Voici, en une heure environ, de larges extraits du roman de Jules Verne, publié en 1862, sous le titre « 5 semaines en ballon ». Choix des textes, résumé, enregistrement, Jean-Paul Alexis, novembre 2021.